êtes formidable, Charline. Qu'est-ce que ça cache, Laetitia Gaillé? Non, parce que c'est à vous que revient de passer l'actualité à l'essoreuse, parce que personnellement, l'actualité m'a essorée. Donc maintenant, je vous file le bébé. Très bien, je m'en occupe, vous inquiétez pas. On va faire. Ah non, on peut pas faire prendre ça aux fenêtres. Enfin, ça dépend dans quelle ville de France on est. Non, puis vous êtes formidable. Hein. Merci, Laetitia Gaillé. La suite des informations, bien sûr, à 18h. Entre-temps, de l'information également, d'une autre manière, puisque écoutez comment elle a été préparée ce matin. Salut les amis. Salut Charlie. Bon, excuse-moi, je te coupe parce que ce qui compte, c'est les gens, c'est l'amour, c'est la fête. On s'en fout des intellectuels. Il fait Patrick Sébastien. Ouais. Ah. Patrick Sébastien, il a bien causé. Hein. Ah, il a bien causé. Ouais, bah, si on invite les gens pour qu'ils parlent. Alors. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Ils parlent pas, on leur reproche. Oui, ouais, c'est vrai. On n'a rien à lui reprocher. Ah, bah, d'ailleurs, on n'a même pas pu faire le troisième sujet. Très bien, bah, comme ça, on le garde aujourd'hui. Okay, merci Patrick Sébastien. C'est qui l'invité aujourd'hui? C'est Thomas Bideguin. Thomas Bideguin. Oui, oui, on ne connaît que lui, Thomas Bideguin. Oui, mais c'est un scénariste, réalisateur. Bien sûr, il vient pour un film. Ah oui, ça. Thomas Bideguin, donc le scénariste d'un film. C'est l'histoire d'un père, François Damiens, qui essaye de récupérer sa fille qui a été embrigadée. Mais oui, dans les milieux djihadistes, je suppose. Ah bah oui, c'est ça. Oh, oui. L'opportunisme du mec. Quoi? Oh là là. Ça, vraiment, un monsieur a tourné un film en 10 jours. C'est très gênant. Mais non, c'est la honte. Et il a mûri le scénario depuis des années. Ah, enfin. Bah alors, je trouve que le plan de com, il est limite quand même. Mais la date de sortie était prévue avant. Oui, la date de sortie était prévue avant. Bien sûr. Bien sûr, le film est coproduit par la Syrie, comme par hasard. Mais non, mais non. Bah si t'as décidé de nous contrarier. Non, ça, c'est pas de sa faute. Ici, il parle d'un sujet, puis il y a hop, ça arrive. Oui, bah à ce moment-là, il avait qu'à parler, je sais pas, de la paix dans le monde, oui, ou de la polygamie, bah, si ça arrive. Ça va. Les deux, voilà. Là, maintenant, vous allez vous taire. Quoi, qu'est-ce qu'elle dit, là? Oh là, là. Bah, elle dit, si tu pouvais fermer ta gueule. Ouais, génial, c'est une chanson de Patrick Sébastien, j'adore. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Bonjour à tous, génial. Vous écoutez l'émission qui saoule les portiques de sécurité en terrasse. Et voici les trois informations qui vont subir une fouille aléatoire jusqu'à 18h. François Hollande tente de créer un axe Paris-Moscou-Washington. Cette semaine, il court la planète sur cet axe pour créer une coalition. Ils acceptent une entrevue diplomatique. Pas été facile. Bon, bah, ils arrivent. Non, ils veulent que vous les invitiez à votre table. À la table ronde? Non, la table de la salle à manger. Les Républicains créent un observatoire pour la sécurité. Le but, c'est de surveiller la sécurité mise en place par le gouvernement. Le tout est censé, bien sûr, nous rassurer. Quand la mort de mourir, de la peur de mourir, c'est plus peur de périr, de la mort de pourrir, de la mort. De l'utilité des chatons hein, sur les réseaux sociaux. Hier, le sujet 3 n'a pas eu lieu. Eh bien, sachez que la grande marche parisienne pour le climat non plus. Alors, les ONG ont inventé un défi les virtuels et artistiques entre République et Nation. C'est dommage, mais Alex trouve aussi ça très drôle. Ah non, mais c'est facile de faire le malin quand il y a des gens qui se bougent et qui luttent contre la pollution, contre des vrais trucs de la vraie vie. Donc c'est super facile pour quelqu'un comme monsieur de se moquer. Ça, ah, c'est sûr, voilà. Évidemment. Voilà. Il n'est pas encore très vert, le visorec. Sauf quand il vient d'achever un plat de chez le chinois en bas, c'est lui, c'est visorec. Bonjour, Charline Vanhoulaker. Et aujourd'hui, autour de la table, à 17h20, on parlera musique avec celle qui nous apporte à chaque fois un mezzé de propositions et à nous de picorer. Alors parfois, j'aime moins le morceau et parfois, je n'aime pas du tout le morceau, mais je suis toujours content de le découvrir grâce à Mélanie Bauer. Bonjour. Ça fait plaisir, vous avez changé de blague. Bah oui. Ah oui, c'est trop. J'essaie bon. De vous surprendre. De quoi vous en avez parlé? Aujourd'hui, le mot, c'est flûte. Ça n'a rien à voir avec vous. Flûte. Très bien. À 17h30, le journaliste qui surgit hors de la nuit, ah bon, part vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe du micro. C'est Guillaume Meurice, alias notre Zorro. Bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charline. Alors moi, je vais vous parler consommation aujourd'hui. À cause des menaces d'attentats, les supermarchés sont vides. Et qui fait des affaires? L'arabe du coin est un concept qui fonctionne très très bien et qui, je peux vous dire, en ce moment fait beaucoup d'envie. Et oui, la théorie du complot est donc relancée. Et à 17h40, celle qui est ouverte à la vie, ouverte dans le sens étymologique du mot aprire en latin. Aprire d'où vient également le mot apéro. Et il n'y a pas de hasard. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour Alex, bonjour Charlie. De quoi on va parler? De John Wayne. Très bien. Non, pas du tout, de western. De cowboy quoi. Super. Et oui, le référent de la République qui a accepté de présider cette émission est né sous De Gaulle. Enfin, c'est lui qui le dit, on va vérifier. Vous travaillez dans la production cinématographique aux États-Unis en 99 notamment, l'année où un McDo est mis à sac par José Bové. Et démonté. Ouais. Démonté. Oui, d'accord. Vous racontez. C'est la précision, ça vous connaît. Vous racontez votre sevrage tabagique dans un documentaire et un livre « Arrêtez de fumer tust » en 2007. C'est l'année où il est interdit de cloper dans les lieux publics couverts ou fermés. Vous co-écrivez le scénario d'Un prophète de Jacques Audiard en 2009. C'est l'année où Roselyne Bachelot voit un peu large en commandant 94 millions de vaccins. Et vous êtes, je vous laisse nous l'annoncer de votre voix, vous êtes... Je suis Thomas Bideguin. Ah yeah. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. C'est dit à la basque, ça, Thomas Bideguin ? Moi, c'est dit avec le cœur. C'est une décision que j'ai prise avant de venir. Très bien. Enfin, vous aussi, vous aimez la générosité, parce que hier aussi, il aimait la générosité, alors ça fait beaucoup. Je croyais que c'était une semaine à thème. Oui, bien sûr. Thomas Bideguin, votre film Les Cowboys sort demain en salle avec François Damiens et Finnegan Oldfield. C'est votre premier film en tant que réalisateur, mais vous êtes un scénariste aguerri, donc c'est un faux premier film. Ouais. Mais c'est le premier film comme réalisateur. Oui, comme réalisateur, en effet. Alain, c'est François Damiens, et sa famille sont fans de country dans l'est de la France. Et puis, lors d'un rassemblement country, leur fille Kelly disparaît. Alors, on apprend que son petit ami s'est radicalisé, elle quitte l'Europe avec lui, passe par les Balkans, par un passeur yougoslave, elle transite par le Yémen, arrive au Pakistan pour rejoindre un camp d'Al-Qaïda. Et puis, c'est l'histoire de son père, le cow-boy, notamment qui la cherche, qui court derrière elle sans arriver à la retrouver. Donc c'est un film sur ceux qui restent. Et toute la presse, évidemment, vous tombe dessus en disant « Votre film, Thomas Bideguin, est rattrapé par l'actualité ». Et moi, j'ai le sentiment, en l'ayant vu bien avant les événements, que pas du tout, c'est bien vous qui l'avez devancé. Mais évidemment. Non, ça a été très, très compliqué d'organiser tous ces attentats pour promouvoir le film. C'est terrible. D'abord, c'est fou. On devrait pas rire de ça, vous rendez bien compte. Mais évidemment, je pense que c'est trop tôt, moi aussi. Oui, d'accord. Mais on m'a tellement, on peut dire, beurré la raie ici. Ces attentats que voilà, je suis ravi de pouvoir... en parler un petit peu librement aujourd'hui. Votre ceinture d'explosifs vous sert pas trop là, ça va ? Non, j'ai peut-être parler d'un autre point. Mon régime, du film. Ça fait une semaine que je fais du sport et donc j'ai gagné un cran sur ma ceinture d'explosifs. En entendant tout ça, on se demandait vraiment si c'était financé par Daesh, etc. La plus terrible, c'est pourquoi appeler sa fille Kelly ? C'est peut-être c'est une des questions que pose le film. Oui, puis la vraie question, c'est est-ce qu'un Belge peut jouer un Français ? C'est quand même, on vous l'a beaucoup demandé. Ah ouais, est-ce qu'un Belge pourrait être populaire en France ? Maintenant, oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que c'est un sujet sur lequel vous vous penchez déjà depuis les années 90. Et puis, on peut dire aussi notamment que vous avez vécu aux États-Unis avant le 11 septembre, mais évidemment, ça joue aussi. Et puis, vous aviez aussi même en tête l'histoire du gang de Roubaix. Oui, c'est comme ça, c'est en faisant des recherches sur un film sur le gang de Roubaix, mais assez tard, en 2009 ou 2010, comme ça, je me suis aperçu qu'il y avait eu, enfin j'ai lu sur une première vague de djihad qui a eu lieu comme ça dans les années 90. Et donc voilà, mais tout le moment où on écrivait, puisqu'on s'est mis à écrire en 2011, pour nous le djihadisme c'était un truc des années 90, c'était un film d'époque. Oui. Et puis voilà, la première fois qu'on a été rattrapé, c'est quand, mais il n'y avait pas... Daesh ou l'État islamique, où on ne sait pas comment ils veulent qu'on les appelle et on s'en fout. Donc il n'y avait pas tout ça et on a été rattrapé une première fois comme ça. À un moment, il y en avait partout, plein les murs du djihadisme, plein les journaux. Et on a lu des témoignages, des trucs, des scènes qu'on avait écrites nous un an auparavant. C'était très bouleversant. Alors maintenant que votre film a beaucoup de presse et bonne presse, on sait que ça se passe assez tôt et avant. C'est-à-dire que cette scène dans un rassemblement country où la fille disparaît, la radicalisation, ça a lieu bien avant les attentats. Oui, ça se passe en 94. Exactement. C'est le moment où on n'avait pas compris, où on ne savait pas ce qui se passait. Donc ils vont chercher. Et puis le film va de 94 à 2011. Et c'est 2011, c'est l'exécution de Ben Laden. Et donc c'est comme si c'était la fin d'un cycle, comme si c'était la guerre contre Al-Qaïda, comme si c'était une première guerre mondiale. Mm-hmm. C'était un peu ça l'idée qu'on avait. Et d'ailleurs, il y a un petit élément temporel qui nous montre qu'on est dans les années 90 qui, moi, m'avait échappé au début du film. Et donc, ce qui est formidable, c'est qu'on ne sait pas... Enfin, moi, j'ai vécu le début du film dans une forme d'intemporalité. Jusqu'à l'apparition. Moi j'ai compris. Alors j'ai compris peut-être un peu tard. Il y a un minitel sur une table. Oh, j'ai pas vu. Et il y a plein de gens qui disent mais on sait pas à quelle époque on est jusqu'à ce qu'on voit ce minitel. D'accord. Oui. Là, étant belge, je n'ai pas connu le minitel, donc je n'ai pas pu identifier. Mais c'est pour ça que vous avez pris le retard à ce moment-là. C'est vrai. Et donc Alain est cow-boy dans l'âme finalement, et l'ennemi c'est l'Indien. Et donc lui, votre héros qui cherche sa fille, est vraiment dans la confrontation. C'est vraiment le cow-boy. Oui, à l'époque on parlait de guerre de civilisation, donc on file cette métaphore-là. Parce que pour raconter une guerre de civilisation, les cow-boys, les Indiens, voilà, c'est une métaphore qu'on pensait plus ou moins valide. Mais en tout cas, parce que le héros croit qu'il est un cow-boy, il va penser que les autres, il va penser que les musulmans sont les Indiens. Et donc il va avoir le sentiment que sa fille a été enlevée, alors qu'elle est partie, elle était amoureuse. Mais parce que c'est vrai qu'à cette époque... C'est vrai qu'à cette époque-là, quand une gamine disparaissait, on se disait qu'elle faisait une fugue. Et que maintenant, on est un tout petit peu plus inquiet. Et c'est voilà, le cas au début, on ne sait pas très bien pourquoi elle disparaît exactement, d'ailleurs. Exactement, la police prend ça en rigolant, comme la police fait, vous savez. C'est vrai. Ah, on balance sur les filles. Et donc, une influence du western d'ailleurs, que vous avez beaucoup, vous êtes beaucoup nourri de films de western. Et puis on peut dire aussi qu'avec Jacques Audiard, vous préparez un nouveau scénario. C'est un western. Un vrai western. Un vrai western, ça tout se tout passe tout. Pendant la ruée vers l'or, en 1851, quelque part en Oregon. Oh, c'est beau. C'est Thomas Bideguin qui est avec nous sur France Inter jusqu'à 18h. Les Cowboys, ça sort demain. Sur France Inter, en compagnie de Thomas Bideguin, le réalisateur du film Les Cowboys qui sort demain en salle. Et autour de la table, Mélanie Bauer, Juliette Arnault et Guillaume Meurice qui est allé faire son reportage et nous l'aurons dans une petite dizaine de minutes. Oui. Allez, place à la désinformation. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Attentat de Paris, le restaurateur de la pizzeria aurait vendu les images de la fusillade à un journal anglais pour 50 000 euros. Sa spécialité, c'était la pizza aux épinards. avec du beurre hein, dans les épices. Deux géants de la pharmacie vont fusionner, le fabricant du Viagra et le fabricant du Botox. L'occasion pour les quinquas de se faire tirer deux fois. Oh, et puis les brefs, parce que c'est élégant et vous n'arrivez plus à vous en passer. Mis de la poésie, de l'information, bonsoir. Je l'ai gardé pour moi celle-là, comme ça, ça vous évitez les problèmes. Merci de ne pas l'avoir mis dans ma bouche. Oui, on commence par ce restaurateur qui aurait vendu les images de la fusillade pour 50 000 euros. Mais oui, beaucoup de gens le traitent de charognard, d'opportuniste, mais on oublie que le jour des attentats, eh bien, tous les plats ont été offerts par la maison. En tout cas, on espère qu'il va s'associer avec Jawad, le logeur. Ensemble, ils vont pouvoir ouvrir une belle chambre d'hôte. Attentat à Paris toujours, U2 reprogramme deux concerts les 6 et 7 décembre. Oui, même s'il ne risquait pas grand-chose, hein, les terroristes s'attaquant à un public jeune. Et là, il y a une question de Miss France également. Oui, Miss France, les candidates ont déclaré avoir peur de défiler en maillot de bain suite aux événements. Et elles devraient être contentes, parce que c'est la seule année où c'est pas entièrement idiot de souhaiter la paix dans le monde. Sans transition internationale. La Turquie abat un avion militaire russe près de la frontière syrienne et va saisir l'OTAN. Oui, les Russes ne sont pas contents. Hein. Depuis l'Ukraine, ils préfèrent s'occuper eux-mêmes d'abattre leurs avions. Et entre les attentats, les migrants, la pauvreté, on oublie Amal Clooney. Oui, oui, oui. Comment ? Beaucoup de soucis. Le diamant de 7 carats de sa bague de fiançailles à 640 000 euros la met très mal à l'aise. Elle le trouve trop bling bling. Ouais. Merci, politique nationale. Je pense qu'il fallait le placer à cet endroit-là. Jean-François Copé annonce son retour en janvier. Il sortira un livre et il aurait, dit-on, des comptes à régler. Bah, ceux de Big Malion, quoi. Oui, peut-être commencer même par cela. FIFA à présent. La chambre d'instruction de la justice interne de la FIFA a requis la radiation à vie pour Michel Platini. Eh bien oui, hein, le fait que hier Sepp Blatter ait dit que Michel Platini était un homme honnête, ça leur a mis la puce à l'oreille, évidemment. Et oui, la décision est entre les mains du comité d'éthique de la FIFA. Ah, il y en a un. Le comité d'éthique de la FIFA, il y a quelques emplois fictifs là-dedans. Économie. Oui, Pfizer, le fabricant du Viagra, va fusionner avec Allergan ou Allergan, je ne sais pas, qui commercialise lui le Botox. Oui, rappelons qu'une fusion du Viagra et du Botox est déjà réalisée depuis plusieurs années. Ça s'appelle Silvio Berlusconi. Oui, cet homme permet d'ailleurs de prouver scientifiquement qu'il n'existe aucune contre-indication entre le Viagra, le Botox et l'utilisation de Belle Color de L'Oréal. Oui, passons aux brèves. Oui, les brèves. États-Unis, un ado de 14 ans explose le record du monde de Rubik's Cube. Il a fini un Rubik's Cube en 4 secondes 90 centimes. Exactement. Bon, à 14 ans, c'est normal d'être habile de ses mains. C'est l'âge où on les utilise le plus souvent. Australie ? Oui, nous parlions hier de Fuck That Bitch. Ah oui, l'Australien qui avait un nom que Facebook a refusé. Voilà, hein, c'était son vrai nom. Fuck That Bitch. Voilà, c'est... Ouais. Et bien, je ne sais pas si c'est grâce à nous, mais Facebook a accepté qu'il ouvre sa page. Déjà 43 500 followers. Vous voyez que les brefs, c'est vraiment pas inutile. Très bien. Bon, je vous en accorde une dernière. Ah, la dernière avec ce titre. Un chien tire accidentellement sur son maître. Oui, j'imagine que vous en avez un peu plus sur cette histoire. C'est les articles que je préfère lire. La version de la gendarmerie. Le chasseur avait posé son fusil contre un arbre pour ramasser une bécasse qu'il venait de tirer. Le chien a alors accroché l'arme, la faisant tomber, puis en marchant dessus, a actionné la gâchette. Après, on va dire que le chien est le meilleur ami de l'homme. Retour au cours normal de cette émission sur France Inter et au cours normal de France Inter en général, en compagnie de Thomas Bideguin. Vous nous accompagnez jusqu'à 18h avec aussi Juliette Arnoux, Mélanie Bauer et Guillaume Meurice. Premier sujet avec vous, François Hollande qui court le marathon diplomatique version sprint. Et oui, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un paradoxe avec François Hollande, pour tenter de rassembler une grosse coalition, dîner avec Angela... grosse coalition, déjeuner avec Obama, une after avec Poutine. On a envie qu'ils réussissent, mais enfin la mission est quand même très très ambitieuse. Nous avons besoin de vous sur place, d'un expert, un spécialiste du monde arabo-musulman. Arabo-musulman. Cherchez ce qu'avait découvert Jefferson et trouvez-moi qui l'a tué. Comptez sur moi. Profitez-en pour me calmer tout ce petit monde, hein ? Américains, soviétiques... Anglais, conforter les positions de la France, instaurer la paix en Égypte. Bien sûr. Enfin, sécuriser le Proche-Orient. Pas de problème. Un extrait de SS-117. Ben voilà, on est rassurés. Donc, Thomas Bideguin, je me demandais, vu le c'est vraiment ça, c'est à la fois un marathon et un sprint. C'est-à-dire que François Hollande va voir Merkel, Poutine, Obama, ouais. Il a vu Cameron, il va faire un saut de puce aux États-Unis pour voir Obama, etc. Et puis à Moscou, je me dis, vous, en tant que Français, c'est encore une certaine fierté que la France prenne le problème à bras-le-corps et aille faire bouger le monde et créer un nouvel axe, une coalition, Ou vous vous dites un petit peu, pourvu qu'on n'ait pas l'air ridicule et que ça fonctionne. Est-ce qu'il y a encore une fierté française à ce niveau-là ? Mais bien sûr, madame. Il y a une fierté française. Vous avez rappelé que je suis né sous De Gaulle. Oui. Et elle n'est pas morte. Non, il y a une flamme et c'est formidable qu'il la, il la porte. Comme ça, le marathon, c'était 42 km, je pense. Oui, normalement. Et le gars est mort à la fin, surtout. Cette idée de marathon, c'était un petit peu flippant. Parce que cette idée d'un gars qui vient annoncer une bonne nouvelle et puis qui s'effondre. Oui, c'est vrai. Mais ouais. Oui, alors il vaut mieux pas que ce soit le cas, effectivement. Non, le sprint, c'est pas mal. Ouais. Une espèce de sprint diplomatique. Comme ça. Mais donc, ouais, vous placez plus en rôle de messager qu'en rôle de vrai diplomate. Il y en a qui dit, allez, va dire à Angela, oui, ok, j'y vais, je prends l'avion. Ouais, il va, et puis il revient, ouais, et ça. Tout ça. J'aime bien cette idée-là. Il y a un peu de ça, oui, c'est vrai. Mais dans les photos, c'est marrant, c'est surtout la façon dont Obama ressemble à Morgan Freeman, maintenant. Oui, on voit l'œil du scénariste sur ce sujet d'actualité. Ouais, il y a un truc vraiment, il a les cheveux tout blancs maintenant. Mais alors qui dans le rôle de Hollande alors, vous qui êtes réalisateur ? Eddie Murphy. Directement. Ouais, ça paraît directement, Morgan Freeman et Murphy. En France, ils sont doublés par le même mec. Le gars qui fait « Hey mec !» comme ça. Il fait la voix hyper aiguë pour quand il fait Eddie Murphy. Et c'est le même gars. Il pourrait la voix grave comme ça. Il fait « Amène-moi ça au labo. » Et il fait la voix de Morgan Freeman. Oui, c'est vrai. Le même gars. Et c'est pour ça qu'on rêve d'un film avec les deux. Mais oui, on pourrait imaginer. Il y a aussi une image qui est assez spéciale. C'est Hollande qui est censé à la fois rassembler un peu Moscou et Washington dans la même coalition. Vous n'avez pas cette image de Hollande un peu pris en sandwich entre Poutine et Obama? C'est quand même, ça paraît irréconciliable au départ. Oui, mais quand on a une ambition comme ça et qu'on a vraiment envie de faire la paix, tout est possible. Non, c'est pas mal. Oh, la beauté de cette phrase. C'est Miss Monde. Miss Monde était avec nous. Et je ne défile pas en maillot. C'est la première année où je refuse. C'est parce que vous avez arrêté de fumer. Ouais, exactement. Là, mais ils ne le font pas en niqab. Non, c'est vrai, pour elle. Derrière le scénariste, le co-scénariste des films d'Audiard, derrière Dipane, un prophète, des cow-boys, il y a de la blague. Toutes les blagounettes qu'Audiard n'a pas voulu. Elles sont toutes coupées, nous les fait. Regardez les bonus DVD, c'est que de la vanne. Oui, c'est vrai, vous avez un profil vraiment schizo à ce niveau-là, non ? Oh, c'est horrible. Vous devez vous retenir. Vous avez un double disque. Non, je mets toujours des blagues. Dedans ? Curieusement, vous savez, on réécrit beaucoup quand on fait un scénario. Et donc, des fois, il y en a qui passent deux réécritures. Il y en a qui passent même 5 réécritures, 10 parfois. Et puis, il n'y en a aucune qui fait ça au montage. Il n'y en a aucune qui passe le montage. Parce que c'est vrai que de nature, l'homme que vous êtes là depuis un peu moins d'une demi-heure et l'homme Audiard qu'on voit en interview, vous n'êtes pas exactement la même nature d'homme, on va dire. Mais pas très loin, parce que vous savez, Jacques est très drôle. Non, c'est vrai, Jacques est très drôle. Après, vous le mettez avec un casque sur la tête et derrière une table comme ça. Je pense que ça s'arrête à ce moment-là. Mais sinon, non, il aime. Non, je crois qu'il est très, très marrant. Mais l'humour, ça permet aussi, si on ne le pratique pas, un recul sur les choses de toute façon. Et c'est ce qu'on sent dans Les Cowboys, en tout cas. Ah bah, le oui. recul sur le sujet. Mais pas l'humour, par contre. Il n'y a pas une blague dans Les Cowboys. Non, ça, c'est vrai. Même pas un petit jeu de mots, un calembour. François Damiens. Et Finnegan Oldfield, Les Cowboys, ça sort demain en salle. Et tiens, Mélanie Bauer, ça vous a inspiré une chronique ? Le mot du jour, c'est flûte. Oui, cowboy, flûte. Vous allez voir le rapport. Tout de suite. Bah, fait moche, c'est la guerre. Alors, autant souffler des airs de cinéma aux oreilles des auditeurs. Et pourquoi pas même siffler avec son nez. En utilisant un instrument avant, le sifflet à nez, un truc qu'on se colle dans les narines et la bouche fait caisse de résonance. C'est bien, surtout pour jouer le thème de James Bond. C'est un grand joueur aussi de ukulélé qui s'appelle Will Grovewhite. Et alors, avec l'émotion que ça dégage. C'est magnifique. Ouais, c'est affreux à voir. Avec quoi il joue du ukulélé ? Avec ses mains. D'accord. Retour à la flûte avec la réédition d'un classique sorti il y a 40 ans. Too old to rock and roll, too young to die. Je traduis pour vous. Trop vieux pour être rocker, trop jeune pour mourir. Le 9e album du groupe anglais Jethro Tull, un disque concept composé comme une BO de film. Sans film, mais avec une BD de 80 pages, From a Dead Beat to an Old Greaser, ça vous chercherez tout seul. From an Old Greaser, vous voulez dire ? C'est ça que vous voulez dire ? De Dave Gibbons, qu'on connaît pour la série Watchmen, il a écrit avec Alan Moore. C'est l'histoire d'un rocker vieillissant, Ray Lomas, qui déprime parce qu'il est dépassé après un accident suicide à moto. Il se réveille dans un monde où tout est retourné dans les années 50, mais version Grease, le film Travolta. Travolta, Olivia Newton-John. C'est un cauchemar. Et que fait le chanteur de Jethro Tull, Ian Anderson, pour s'en sortir? Eh ben, il joue de la flûte. Très beau, Jethro Tull. Les gens qui aiment la flûte sont ravis. Du lourd. Toujours. Tu aimes la flûte, Thomas Bidoglia. Je suis venu sans la mienne, curieusement. Mais... Vous êtes sans votre flûte. Mais personne ne s'est jamais plaint. Du lourd, toujours avec un tube qui fait écho à un harmonica. Il était une fois en Amérique. C'est une flûte de pan tout aussi tendue et western que l'harmonica de Charles Bronson dans Il était une fois dans l'Ouest. Nous sommes en 1984. Ennio Morricone collabore une dernière fois avec Sergio Leone pour ce dernier film fleuve de 3h30 où le personnage de Philippe Cockeystein, joué par William Forsythe évidemment, y trimballe son petit instrument. C'est du western. Voilà. Et madame. En tout cas, on comprend mieux l'expression « et flûte ». Et puis, la semaine dernière, comme beaucoup, je me suis dit... Flûte ! Flûte ! Ah, on bosse un duo. Vous avez les mêmes co-auteurs. On bosse un duo. Je concert, même si Paris, c'est le Far West. Je suis allée voir le Sacre du Tympan en concert, l'incroyable hommage au compositeur de musique de film et de série François de Roubaix, mort en 1975, auteur des bandes-sons de Boulevard du Rhum, La Schkoumoune, Commissaire Moulin et même Chapi Chapeau, interprété magistralement sur le disque ici par Catherine. Chapi Chapeau de cow-boy que vous allez faire là. J'y suis presque, rassurez-vous. Ce fut plus. Qu'est-ce qui s'est passé, Mélanie Bauer? Ce fut plus qu'un concert. Une claque. Les flûtes, les cuivres, la basse, les claviers, un condensé de vie pour l'homme orchestre Fred Palem. La preuve en musique. De genre. C'est magnifique. Michel Fesse. Le Sacre du Tympan, hommage à François de Roubaix. J'insiste sur ce disque qui est un condensé de bonheur. Et puis, flûte, encore une fois, un dernier morceau. C'est pas de la flûte, c'est du banjo sur la BO du film Cowboy. On en parle un petit peu aujourd'hui. Composé par le chanteur Raphaël, la reprise du Small Town Boy par un certain Thomas Bidegain, je crois, qui chante plutôt pas mal et qui, je dois l'avouer, m'a coupé le sifflet. Platform, the wind and the rain on the sand, lonely face. Mother will never understand why you had to leave, for the answers you seek will never be found at home. The love that you need will never be found at home. Run away, turn away, run away, turn away, run away. Pushed around and kicked around, always a lonely boy. You were the one that I talked about around town as they put you down. As hard as they will try to hurt and make you cry. cry. You never cry to dangers to your soul. No, you never cry to dangers to your soul. Fais-moi le malin maintenant. Bah, on devait faire une tournée, mais on l'a annulée parce qu'on a trop les jetons. Elle est magnifique, votre version. C'est une très belle voix. Et la première à m'en avoir parlé, c'est Juliette Arnoux qui était très touchée. Oui, ouais. Parce que je suis restée jusqu'au bout, parce que c'est une chanson très importante pour la cause gay, Small Town Boy de Jimmy Somerville. Parce que c'est la, ça raconte l'histoire d'un adolescent justement qui part de l'endroit où il est parce qu'il ne peut pas vivre son homosexualité. The love that you need will never be found at home, comme on dit. À Molenbeek. L'amour que tu cherches. Voilà. Et le film, c'est aussi l'histoire d'une ado qui part parce qu'elle n'arrive pas à vivre là où elle vit. Et oui, c'est l'histoire de... des cow-boys, les cow-boys avec François Damien, c'est Finnegan Oldfield, et donc une BO composée notamment par Raphaël. Mais oui, c'est une grande musique de Raphaël. Et qu'on découvre là, compositeur, c'est sa première musique. Il avait fait un peu des musiques pour Manchetrit, pour son copain Samuel. Mm-hmm. Mais là, c'est la première fois qu'il orchestre vraiment un truc. Et on est vraiment dans une position de compositeur. C'était formidable et on l'a eu très tôt, la musique. Ça, c'est un truc qu'il faut faire à chaque fois. C'est Bertrand Bonello qui m'avait appris ça, d'avoir la musique très tôt, avant le film. Donc, au moment du scénario. Et du coup, quand on va chercher les décors, quand on va chercher les trucs, on a une musique très ample comme ça. Et donc, on sait jusqu'où on peut aller. Ça pousse vraiment à faire des films, plus, à donner de l'ampleur au film. Imagine une BO assez festive avec Raphaël, quelque chose de, qui pète bien. Incroyable. Tout est à la flûte. Tout est à la flûte, il joue avec son nez. Non, et c'est super, je crois qu'il va se faire abattre par son chien. J'ai écouté en long, en large et en travers, il n'y a pas une flûte. Hein. Beaucoup non, de violon, mais très peu de flûte. Par contre, celui qui cherche les gens qui jouent du pipeau, ça c'est Guillaume Meurice. Oh. C'est le moment Meurice sur France Inter, attention. Oui. Oui, alors on le sait, les attentats auront un impact direct sur l'économie. La ménagère de moins de 50 ans ne consomme plus. Celle de plus de 50 ans ne consomme plus que du Alex Vizorek. Bref, on est mal. Heureusement, des gens luttent pour relancer la consommation. Je les ai rencontrés ce matin à l'occasion des journées annuelles de l'IFM. Alors, c'est l'Institut français du merchandising. Tous les vendeurs de vaseline... tous les spécialistes du merchandising étaient là. Excusez-moi pour le lapsus. Notamment, par exemple, des fabricants de prospectus. On est leader de la pige prospectus. Donc, on suit tout ce qui est dans les boîtes aux lettres et qui sont réalisées par les enseignes comme Leclerc, Auchan, Carrefour. Hein. C'est-à-dire que c'est vous qu'il faut remercier pour les prospectus qu'on a dans nos boîtes aux lettres ? Complètement, c'est ça. On adore les prospectus et on continue à adorer les prospectus et on va, j'espère, continuer longtemps. Mais on espère tous, enfin ! On dit que les Français ne lisent plus, c'est pas faute de leur envoyer 8 kilos de lecture chaque jour dans les boîtes aux lettres et de la bonne lecture en plus. Hein. Vous n'allez pas me dire que la description de la promotion Carrefour sur les haricots en boîte ne vaut pas le dernier Catherine Pancol. Soyons honnêtes. Hein. Il y a au moins autant de surprises dedans. Et d'ailleurs, les spécialistes du merchandising, ils n'aiment pas les surprises. Exemple ? Vous trouverez toujours, par exemple, la bouteille de Ricard au même endroit dans les linéaires alcool. Donc, pour que les clients retrouvent cette règle dans les linéaires. Même bourré, du coup. Ouais, en fonction de son état, il est capable de retrouver sa bouteille, par exemple. Et voilà, c'est ça le progrès, c'est ça la beauté du merchandising. Une petite pensée au passage pour le chanteur Renaud, hein, celui qui chantait Société, Société, tu m'auras pas. Hein, s'il parlait de la Société Ricard, c'est loupé. Alors, pour que les distributeurs respectent les emplacements dans les rayons, il y a des entreprises qui proposent de vérifier si, par exemple, la bouteille de Ricard n'est pas dans le rayon enfant. Hein, sauf dans le Nord-Pas-de-Calais, évidemment. Il faut respecter, bien sûr, les traditions. Mais pas que les bouteilles de Ricard, les yaourts aussi, par exemple. On vérifie juste que le produit est bien placé, qu'il est à la bonne hauteur d'exposition, qu'il a bien la place qu'il occupe. Vous êtes un peu la police du yaourt. On pourrait dire ça dans un certain sens, effectivement. Ça pourrait être ça. Ben oui, c'est même complètement ça. Alors tout le monde remercie le RAID ou le GIGN, mais à chaque fois, on oublie la police du yaourt qui tous les jours protège la laitière ou Maminova. Voilà, bravo, bravo les gars. Il y a même également une veille qui est faite directement par les consommateurs via une application qui permet d'étudier leur comportement. C'est des gens comme vous et moi qui téléchargent l'application et qui sont missionnés en échange d'argent pour aller récupérer de l'argent. Ah d'accord. De l'information. Ils sont payés pour être fichés. Ils sont payés pour récupérer de l'argent. De l'information. Oui, mais c'est pas évident hein, d'utiliser les bons mots. Hein. En même temps, information, argent, c'est difficile de faire la différence. C'est pas BFM qui nous dira le contraire. Voilà, donc des consommateurs acceptent de se faire ficher, mais le commercial de cette association m'a assuré que son entreprise essayait d'être... D'être le plus légal possible. Ah, le plus possible, ça veut dire que des fois vous ne l'êtes pas. Non, on l'est entièrement, pardon. Bah oui, mais c'est pas évident hein, d'utiliser les bons mots, entièrement légal, le plus légal possible. C'est difficile de faire la différence, hein, et c'est pas Claude Guéant qui nous dira le contraire. Les mots, c'est compliqué, et les photos aussi. Ça tombe bien, j'ai rencontré un photographe de produits. Alors, c'est comme un photographe de mode, sauf que Carla Bruni est remplacée par un gratin de courgettes, par exemple. Voilà. Niveau QI, ça ne change pas grand chose, mais le métier est. Pardon. C'est gratuit. Pardon. C'est gratuit. Les oui, courgettes. Mais c'est drôle. Pardon pour les courgettes que j'aime beaucoup et que je salue. Mais c'est, le métier est un petit peu différent quand même. C'est donc ce genre de personne qui est responsable des photos qui ornent les plats surgelés. J'ai pu d'ailleurs lui poser une question. Pourquoi le gratin dauphinois qu'on achète n'a jamais la même tête dans la barquette que sur l'emballage ? Il faut évidemment que les photos soient vendeuses et on ne peut pas, un produit qui va être sous plastique, si vous prenez la photo, il va y avoir des reflets, il va y avoir des couleurs qui ne sont pas réalistes et à partir de ce moment-là, il faut évidemment retoucher la photo pour qu'elle soit vendeuse et que ce soit appétissant. Et oui, en effet, il y a des reflets sur le gratin dauphinois, c'est pénible, c'est difficile de poudrer du gratin dauphinois. Un tiramisu à la limite, oui, mais un gratin dauphinois, ce n'est pas possible, impossible de tricher. Pour le goût, en revanche, pas de triche, hein, le gratin dauphinois sur le carton d'emballage aura exactement le même goût que le carton d'emballage en lui-même. Ça, c'est honnête. Voilà, il est désormais temps de conclure avec le responsable de cet événement, Frédéric Perraudeau. Alors, avec le réchauffement climatique, le risque de mourir d'une balle dans la peau est toujours moins élevé que celui de mourir d'un cancer dans la peau. Donc, la solution est-elle de faire en sorte que les citoyens consomment plus ? Bien sûr que c'est qu'ils consomment plus. Mais avant tout, c'est consommer mieux pour consommer plus. Mais est-ce que la solution ne serait pas de consommer moins ? Oui, alors c'est certain que ça peut être une solution. On est une association d'industriels et de distributeurs et donc vous pouvez aisément comprendre que l'objectif n'est pas de dire qu'on va consommer moins. Mais on comprend aisément que l'intérêt c'est plutôt de raconter n'importe quoi. Quand vous êtes au bord du gouffre, Frédéric Perraudeau sera toujours là pour vous dire d'aller de l'avant, à croire que ce monde n'est pas prêt pour la décroissance, hein, le contraire de la croissance, mais qu'il est toujours prêt pour dépenser, le contraire de penser. Merci Guillaume Meurice. Vous êtes sur France Inter, il est 17h45 à Paris et à Mout. Guillaume Meurice dans l'Est. Guillaume Meurice qui est plus beau sur les photos faites par France Inter. C'est-à-dire qu'en vrai, hein, c'est comme le gratin de courgette, évidemment. Et nous sommes en compagnie de Thomas Bideguin, ensemble jusqu'à 18h. Tiens, le sujet 2, les Républicains se sont fait chourer le thème de la sécurité par les socialistes qui doivent mettre en place des mesures. Alors la droite a eu une idée, ils vont surveiller la mise en place de la sécurité. L'ordre et la sécurité, c'est leur truc, il n'y a qu'à écouter Éric Ciotti lors d'une simple réunion au siège du parti. Je vous prête que le premier que j'attrape, en train de chuchoter, papoter, bavarder, ou quoi que ce soit. C'est lui. C'est la même voix en plus. Je le fous à la porte avec un rapport de chez Monsieur Coton. Sois bien clair, entre vous et moi. Voilà, Éric Ciotti. C'est exactement la même voix. C'est Likaku. Alors, cette idée des Républicains de surveiller la mise en place de la surveillance, c'est rudement bien trouvé, Thomas Bideguin. Ouais, c'est formidable parce que non, mais on savait pas. Vous avez fait la même réflexion, je sais. Oui, non, mais voilà, effectivement, l'emploi des jeunes, c'est toujours difficile. On a besoin de gens pour surveiller les gens qui surveillent. Et puis, pourquoi pas ? Enfin, voilà, on sait que la crise arrive et donc, hop, on va avoir des gens qui surveillent les gens. Qui surveille les gens qui surveillent. Et ça fait de l'emploi. Et ça peut faire une émission comme ça, je pense qu'à 18h20, si vous voulez résoudre le problème de l'emploi. La sécurité, est-ce que vous faites la différence entre une sécurité de gauche et une sécurité de droite ? Je ne sais pas, moi, quand je suis allongé par terre, qui me fouille et qui me tienne avec le coude comme ça, je ne peux pas parce que j'ai la nuque bloquée. Mais sinon, pas trop. La déchéance de nationalité, tout ça, vous trouvez que c'est un peu du pipeau ou Moi, c'est un petit peu de la flûte. Ouais. Arrêtez maintenant. Voilà, voilà, d'accord. J'ai une information, je pense, qui va vous toucher, c'est que dans cet observatoire de la sécurité mis en place par les Républicains, je cite le journal Les Échos, attention, Rachida Dati sera chargée du volet bruxellois. Ouf. Ah, donc ça va l'obliger à être à vous faire la son taf. Donne. Et alors là, ça c'est quand même bon, c'est quand même surprenant comme information. Et puis sinon, je vous signale que Le Monde, le journal Le Monde lance un blog qui explique que comme la France s'installe pour une longue période dans un régime dérogatoire aux libertés publiques, le pouvoir administratif prend alors le pas sur le judiciaire et donc Le Monde a décidé d'expérimenter un blog qui s'appelle un observatoire de l'état d'urgence. Donc là, il y a un observatoire de l'état d'urgence avec donc une surveillance qui surveille la mise en place de la sécurité. Vous voyez un petit peu le truc ? Ouais, ça va donner du plaisir. L'important, c'est la notion de plaisir. Parce qu'il va être fort dans tout ce qui est ça, observation, arrestation, molestation, tout ça. La notion de plaisir, il ne faut pas la perdre. Voilà. On est d'accord avec vous. Et du plaisir avec Juliette Arnaud, évidemment. Mais bien sûr. Qui dit plaisir ? Vous dites Juliette Arnaud. Vous avez été très surprise que ce soit votre tour. Là. Oui, je m'étais endormie. À la fin de La prisonnière du désert, John Ford, 1956, John Wayne retrouve sa nièce, Natalie Wood, dans le désert, donc capturée par de méchants indiens quelques années auparavant. Il la soulève par les aisselles avec ses grands bras solides de John Wayne. Hein, le gars faisait au moins 4 mètres. Il la regarde, il la prend contre lui et il dit... Let's go home, Debbie. Bim. Happy end. Dans Les Cowboys, où l'on suit également un père, aidé par son fiston, François Damiens, qui cherche sa, donc un père, François Damiens, cherche sa fille disparue, enlevée, croit-il. Je préfère être honnête, le happy end est moins plein de violons triomphants. Que ça n'empêche personne d'y aller, au contraire. On a tous joué aux cowboys et aux indiens enfants, alors qui aurait l'arc et le poney sans selle, qui aurait le Stetson et la Winchester 1863 Yellow Boy. J'ai moi-même beaucoup scalpé mon frère, qui m'a beaucoup corrompu à coups d'eau de feu. Et puis, ça nous a passé. Enfin, moi, pas tant que ça, mais ça nous a passé, ça nous a tous passé, sauf à quelques-uns plus entêtés. Ici, au début de l'histoire, le père, François Damiens, emmène sa famille le week-end à des rassemblements country. Il chante Tennessee Waltz, il porte le chapeau et les bottes. Et sa quête, une fois que sa fille disparaît, va le transformer, lui d'abord, son fils ensuite. Les déguisements de cow-boy d'opérette tombent. Les limites de la loi bougent, à l'image de l'ado qui se met à siphonner un réservoir d'essence quand l'argent vient à manquer. On passe du break familial au vrai cheval. On apprend à négocier dans une langue qu'on ne pige que moyennement. Comme un vrai cow-boy, on repousse l'idée de frontière. Et en regardant le ciel, en s'émerveillant de le voir si grand, on se demande si un jour on saura revenir, si on voudra revenir. C'est l'histoire d'un type qui s'entête, qui ne veut pas renoncer, quitte à ne pas être compris. Tout le monde d'ailleurs le pousse autour de lui à lâcher, mais il s'entête, son fils dit de lui, papa savait ce qu'il cherchait, c'est rare à notre époque, c'est vrai que c'est rare. Et c'est là que le film nous tient par les tripes, parce que leur chemin devient le nôtre. Thomas Bidguin n'avait pas prévu les derniers événements, bien sûr, c'est pas Nostradamus. Son film nous aide pourtant à les appréhender. Le film, je l'ai vu lundi, juste après vendredi 13, secoué comme nous tous, prise par un flot d'émotions contradictoires, terrifiée surtout par l'idée de rien comprendre. Et comme les cow-boys courent sur 15 ans, en commençant en 1994, en partant des origines finalement, les choses s'éclairent alors pour nous, tandis que les personnages tâtonnent dans l'obscurité. Tous les personnages, même le personnage du flic, qui faisant référence au début de l'enquête, dit d'ailleurs, et je cite, « c'était une autre époque, c'était le début ». On n'avait pas compris. Natalie Wood, dans La prisonnière du désert, voyait ses cheveux noirs et lisses nattés en tresse comme une squaw. Ici, pour incarner la sœur disparue, Thomas Bidguin a choisi une adolescente à la chevelure somptueuse, longue, blonde et rousse, pleine de frissons. Et puis elle va se les couvrir, les emprisonner, les cacher. Mais là aussi, chacun se fera son opinion. À moi, ces grands cheveux libres manquent. Et vous ? Et moi aussi, c'était juste cette idée-là, effectivement, d'emprisonner ses cheveux. Et c'est beau ce que vous dites, c'est bien. C'est bien, non, moi je suis touché, après, je suis désolé, c'est comme ça. Mais c'est bien, c'était magnifique de réécouter le « Let's go home, Debbie ». Oh, il est pas, c'est pas une des plus belles répliques de Western. Oh là là, ça me rappelle mon premier mariage. Avant, vous êtes marié avec le Stetson. « Let's go home, Debbie ». Thomas Bidguin et « Les Cowboys », donc un film qui n'est pas rattrapé par l'actu parce que le film l'a devancé, l'actualité. Et puis, ça parle de ceux qui restent. Hein. C'est vraiment la vision de ceux qui restent en Occident. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est pas un film sur ceux qui partent. C'est un film sur ceux qui restent, effectivement, et sur nous. Et comment est-ce qu'on peut faire ? Voilà. Comment ça peut nous rendre fous ? Et puis, le temps qu'il faut, parce que c'est un film comme ça qui se déroule sur deux générations, qui va prendre une ampleur, le temps qu'il faut pour qu'une réconciliation soit possible, pour qu'on puisse retrouver une paix, un équilibre. Et pour ceux qui auraient peur d'aller le voir, vu les événements, etc., franchement, déjà, sortez. Et puis, c'est positif. Il y a un côté... Très positif. Il y a beaucoup d'espoir à la fin. Oh, il y en a plein. Ça fait du bien. Ouais, il y a de l'espoir. Oh là là, il y a de l'espoir, il y a du plaisir, il y a de la fraternité. Vous aimez l'espoir, vous aimez la flûte. Ça manque un peu de flûte. Voilà, ça sort demain avec François Damien. C'est l'excellent Finnegan Oldfield qui est formidable. Troisième sujet, sans pouvoir se rassembler lors de la COP21, comment rendre visible la mobilisation de la société civile ? La grande marche qui était prévue à Paris le 29 novembre a été annulée, donc les ONG prévoient une marche virtuelle dite, attention, artistique, entre République et Nation. Une marche artistique, c'est nouveau. Quand on est bien entraîné, pourtant la marche, c'est déjà un art en soi. Vous attaquez bien le sol avec votre talon, vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe. On marche, quoi. Hein ? Oui. L'idéal, c'est de respirer par le nez, hein, et de synchroniser votre respiration sur vos pas. C'est excessivement simple, comme ceci. 1, 2, 3, inspiration, petit pas de pause. 1, 2, 3, expiration, et on expulse bien tout l'air qu'on a dans les poumons, hein, d'accord ? Et si vous voulez augmenter votre vitesse, eh ben vous n'avez qu'à allonger le pas. D'accord, Mathieu ? Et vous allez très vite vous rendre compte que tout votre corps entre en action. Les bras, par exemple, opèrent un mouvement de balancement qui équilibre le mouvement de vos jambes. Vous voyez ? Et le bassin ! Mais ça peut continuer comme ça des heures. Hein. Franchement, ça lasse pas. C'est Benoît Poulevin dans les randonneurs. Avec les hanches. Hein, les hommes, eux, c'est pas moyen de le faire taire, c'est Benoît Poulevin. Vous voyez que la marche c'est artistique. Alors, donc, le réseau Action Climat explique dans La Croix datée d'hier qu'on peut s'inscrire sur le site marcheformi.org, for étant le numéro 4. On peut télécharger sa photo. Et un marcheur dans le monde, parce qu'il y a 57 autres pays qui vont défiler pour le climat, puisqu'à Paris on peut pas, donc il y a des marcheurs qui vont un petit peu marcher pour vous. Ah, j'aime bien l'idée. On peut emmerder des mondes alors à distance, c'est formidable. Mais c'est ce que je voulais poser. 266 000 fois. Vous auriez des gens marcher, comme ça nous on reste à la maison. On mais ouais, la marche virtuelle. Et tac, les autres marchent. Mais j'aime bien l'idée. Ça nous coûte quelque chose c'est... Non, c'est gratuit. Non, mais le problème c'est que vous pouvez pas défiler. Donc il faut bien matérialiser le fait que vous ayez envie de défiler pour le climat. Envoyez sa photo. Voilà, vous téléchargez la photo, vous mettez votre nom et puis il y a un participant. Un gars se met à marcher tout de suite. Voilà. Immédiatement, un mec enfile ses bottes et dit ok salut. C'est mythique. Il dit au revoir à ses enfants. Mais on peut pas choisir la personne. Et chaque fois qu'on clique, il refait 2 kilomètres. Quelle bonne idée. C'est, tu dis aujourd'hui, moi je vais aller marcher non seulement pour moi, mais pour Maryse Choucroun à Paris, qui veut marcher. Vous voyez, c'est formidable. Mes enfants voudraient que tu marches encore un petit peu. C'est génial ce monde virtuel. Alors, on a une solution pour les embouteillages et pour les manifs à Paris, là, Thomas Bideguin, non je sais pas, génial, la CGT va se lever, il va se passer un truc. Mais si l'idée on fait des qu'on puisse marcher en restant à la maison, ça c'est vraiment une bonne idée. Je pense que ça y est, on va vraiment pouvoir manifester pour des causes. Et d'habitude, on hésitait à sortir, il faisait froid, là, voilà, pour n'importe quoi. Un gars se fait abattre par son chien, on était 200 000 dans la rue. On était 260 000. Ah, mais l'emmerdant, ça va être un peu pour la police, parce qu'il va falloir compter. Pour compter, ils étaient déjà pas forts. Justement, le comptage sera précis. Oui, parce que maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent chez toi, ils défoncent la porte et ils comptent. Thomas Bideguin, le scénariste et le réalisateur, eh bien, on a une proposition indécente à vous faire. Ah. Proposition de comédien, car évidemment, à la fin de chaque émission, il y a un sketch. Il sait tout faire, il chante, il écrit. Vous avez le rôle qui sera passé de ici. Thomas Bideguin, qui a été convoqué par Gaspard Ganzer, le conseiller com de François Hollande, parce qu'il a 2-3 trucs à lui proposer. Attention, on y va. Monsieur Bideguin, merci d'être venu. Oh bah de rien, monsieur Ganzer, mais je ne sais pas trop pourquoi je suis là. Bon, vous avez lu l'article du Guardian ? Ah ben comme tous les jours, là, je lis le Guardian tous les jours. Voilà, l'article dit que François Hollande est le John Wayne des Champs-Élysées. Bah c'est qu'ils n'ont pas vu beaucoup de films de John Wayne. Non mais c'est génial, c'est génial, on n'en veut plus des titres comme ça, nous. On veut que notre président soit le héros des Français. Et donc, on veut faire appel à un scénariste. Et Fabien Antonien, t'étais pas libre ? Pourquoi vous dites ça ? Ben non, mais Hollande dans Campide 4, d'accord, ça colle. Bonjour, enchantée, Julie Gaillet. Ah oui. Bonjour madame, j'ai l'impression de vous... Qui écrit ça? J'ai l'impression de vous avoir déjà vu quelque part. Oh, dans un film sans doute. Non, non, non, non, non, je vous assure, je suis cinéphile. Bon, écoutez, ce qu'on voudrait, c'est en faire un héros. Non, parce que ce que... Non, écoutez, réfléchissez. Ce que les gens adorent en ce moment, c'est les anti-héros. Vous voyez, Breaking Bad, Game of Thrones... Ouais, mais on va pas lui demander de dealer de la drogue ou de coucher avec un membre de sa famille non plus, enfin... Ah bon? Bah là, elle travaille pas dans le cinéma, alors. Mais non. Ah oui. Qui c'est qui a ajouté? Pardon, j'ai rajouté une ligne, excusez-moi. Oui, oui. Pardon, je vais le refaire. Oui. Oui, c'est vrai. C'est mauvais pour remonter dans les sondages. Oui, ben bah, oui. Regardez Christine Boutin. Ah non, il y a le héros solitaire, type James Bond, adepte de gadgets et de jolies montres. Ouais. Bah, il n'hésite pas à transgresser les lois et il séduit des top modèles sur son passage. Ah oui, mais ça, je crois que le rôle est déjà pris chez les Républicains. Sinon, on pourrait faire un film pour de vrai. Hein. Ah, c'est pas une mauvaise idée, ça, Julie? Attendez, moi je viens de tourner avec François Lambrouille, on peut même garder la chaise du tournage. Ah mais attendez, le président le plus populaire de l'histoire des USA, Ronald Reagan, était acteur. Et puis on pourrait parler de notre histoire d'amour, les gens aiment ça. Mais c'est vrai, ce serait bien qu'il y ait Julie Gayet dedans quand même, non? Ouais, puis ça me permettrait d'avoir mon nom dans un grand film. Bah ouais. Oui, mais alors vous pensez à qui pour jouer votre rôle, Julie? Espèce de goujat! Mais elle est fâchée? Non, non, elle fait semblant, elle est actrice. Ah ben voilà, qu'est-ce qu'elle joue bien. Ah oui, vous avez vu. Ah, c'est bon alors, je suis prise. Bon, écoutez, je vois avec Michel Larocque si elle est dispo. Et puis sinon, c'est vous, jurez. Merci Thomas Bideguin. Vous êtes fort. C'est vous faites un bon Thomas Bideguin. Votre impro était très bonne. Du coup, je pense que ce ne serait pas dans le cinéma. Thomas Bideguin, merci. Je rappelle que votre premier film en tant que réalisateur, Les Cowboys, sort demain avec François Damiens et Finnegan Oldfield. Il sort en salle. Oui, c'est demain. Hein, demain, bah oui, on est mercredi. Oui, hein, c'est mon dernier premier film. J'en ferai plus des premiers films. Donc celui-là, il faut y aller. Et il faut aller le voir maintenant. Courez. Très bien, merci Juliette Arnaud, merci Mélanie Bauer, Alex Vizorek et Guillaume Meurice. On va laisser le mot de la fin à la mission de l'agent spécial François Hollande cette semaine. Profitez-en pour me calmer tout ce petit monde, hein ? Américains, soviétiques, anglais, conforter les positions de la France, instaurer la paix en Égypte. Bien sûr. Enfin, sécuriser le Proche-Orient. Pas de problème.